Maëlys qui vient nous parler de la prostitution humaniste. Donc je te laisse la parole. Bonjour. Est-ce que je me mets debout? Est-ce que je me mets comme ça? Donc, suite à la petite intervention abolitionniste d'il y a 2 jours, je me suis dit qu'un droit de réponse non abolitionniste, donc abolitionniste, pour être clair, c'est en gros les personnes qui estiment qu'il faut interdire la prostitution. Et je me suis juste dit que du coup, un point de vue, en fait, sur un autre aspect de la prostitution, ça pouvait être intéressant et enrichir le débat. Donc, je suis venue vous parler de ce qu'on appelle communément l'escorting. Ça siffle un peu, non? Donc, je suis venue vous parler un petit peu de l'escorting et vous lire aussi quelques petits extraits de... Oh merci, c'est sympa, un siège royal. On me reconnaît enfin à ma juste valeur, bon, voilà. Ce sera bien. Et donc accompagnée de ma patronne, Griselidis Real, qui est une peintre, écrivain et prostituée genevoise. Qui est un peu la théoricienne de la prostitution humaniste. Donc, pour commencer rapidement, comme je le disais hier à un journaliste de la Suisse, il y a dans la prostitution 2 démarches à la fois contraires et complémentaires. Un défi, une autodestruction, car on s'use, on se morcelle terriblement, et une tentative d'échange et de reconstruction des rapports humains sur un mode différent. Estime, amitié, complicité et reconnaissance de la même frustration sexuelle chez l'autre. Donc fraternité, puisqu'on est les victimes et les révoltés de la même injustice. Cette injustice, qui est la même au départ pour tous, clients et prostituées, et leurs femmes aussi d'ailleurs, éducation morale et chrétienne étriquée, défense d'avoir un corps, interdit d'en jouir et de faire jouir les autres. Chair égale péché. Bande de cons, voilà pourquoi j'aimerais tuer. Alors au moins nous, les prostituées, nous prenons une sacrée revanche. De la chair et du foutre, des caresses en veux-tu en voilà, et on baigne dans le péché. Nous ne jouissons pas, ou presque pas, aucune importance. Les bourgeoises ne jouissent pas non plus. En plus, elles sont aigries, cocues, flétries, vouées au ménage, ternes, vieillies avant l'âge. Et nous, nous sommes belles et scandaleuses, maquillées, ornées, nues, désirées, et on nous paie. Voilà pourquoi toutes ces vieilles rombières frustrées nous en veulent à mort. Et nous, on les emmerde. Dans le fond, elles sont jalouses de nous. Voilà pour commencer un petit peu le débat. C'est Griselidis d'Israël. Oui je vais en parler un petit peu aussi. Bah disons, je vais axer ma discussion en 3 points. Donc déjà, je vais vous parler de la notion de force de travail, qui, en termes marxistes, en fait, ne permet pas vraiment de différencier la prostitution des autres exploitations du corps. Si exploitation il y a, ce qui n'est pas toujours le cas dans la prostitution. Et ensuite, de la notion de misère sexuelle, auquel on est confronté en permanence. Et justement, j'ai un joli extrait de pédophilie à vous lire dans ce texte. Et, bon, et ensuite, on verra aussi la misère affective et tout l'aspect thérapeutique, en fait. Je dirais les deux à la fois. Enfin, je sais, bref, bon. Donc déjà, j'ai une petite question à vous poser de base. Est-ce que... il y a une vraie différence entre le fait d'exploiter son corps en portant des matériaux de 100 kilos toute la journée dans le cagnard ou sous la pluie, en étant payé une misère, entre le fait de passer des articles toute la journée avec ses bras sur un tapis roulant et de se faire considérer comme un robot, puisqu'aujourd'hui on peut être remplacé par un robot en faisant ça, quoi, et le fait de... en fait, d'utiliser des parties de son corps autres, cachées, comme son vagin, par exemple, pour procurer du plaisir à autrui. Est-ce qu'il y a une vraie différence dans l'exploitation du corps? Oui, pour de l'argent. Bah, de toute façon, le travail. Je parle de la notion de travail, en fait. De travail, d'exploitation du corps dans le travail, de force de travail. Et on utilise son corps dans le travail. Ça, c'est sûr. Même un doctorant qui est assis toute la journée et qui se fait des putains de douleurs dans le dos, etc., il utilise son corps. On utilise toujours son corps dans le travail. Considérer qu'il y a une différence à partir du moment où la sexualité rentre en jeu là-dedans, je pense que. En fait, on en revient toujours à la même, au même dogmatisme qui fait de la sexualité en fait un phénomène religieux, quoi, sacré. Enfin, et d'autant plus que il peut y avoir un côté sacré dans le travail du sexe également. Enfin, là, on ne dénue pas la sexualité de son aspect sacré. C'est juste qu'on permet à certaines personnes qui ne peuvent pas en bénéficier normalement parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ne sont pas assez beaux, parce qu'ils ont la misère de jouir immédiatement ou de ne pas réussir à bander quand il le faut. Et bien ces personnes-là qui ressentent une certaine difficulté et qui ont même peur du regard de l'autre s'il y a un rapport, et bien ces personnes-là, on leur permet d'avoir une sexualité. Et donc voilà, déjà, avant tout, moi, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse tolérer qu'une nana se fasse exploiter et considérer comme de la merde, encore une fois, en étant caissière, quoi. Moi, c'est vraiment l'exemple qui me saisit, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est de la mystique, quoi. Ok, d'accord, je continue. Mais le fait de pas pouvoir choisir, est-ce qu'une caissière choisit le taf qu'elle fait? Qu'est-ce que ça veut dire, le fait de ne pas pouvoir choisir? Moi, là, je suis venue... oui, une petite précision. Je ne vous parle pas de la traite. Quand il y a esclavage, quand une nana est forcée à faire un truc, elle est forcée. Donc, moi, je suis pas venue discuter de ça. Ça, c'est évident. Mais cette exploitation qui est faite sur le corps de la femme dans le cadre du travail sexuel, elle pourrait être autre que le travail sexuel. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas typique, spécifique au travail sexuel, l'esclavagisme. Tout type de travail peut être intégré dans un cadre esclavagiste, quoi, à partir du moment aussi où le travail n'est pas reconnu en tant que travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des facteurs qui fait qu'il y a de la traite, qu'il y a du travail sexuel, c'est parce que justement, le travail sexuel n'est pas reconnu en tant que travail, donc il est marginalisé, qu'il est mis dans les zones d'ombre de la société, et donc que nécessairement, on en vient à de l'esclavagisme, quoi. C'est bien pour ça que je trouve que tout le discours abolitionniste ou même la dépénalisation des clients, il ne fait que précariser la position des prostituées qui, du coup, font un travail qui n'est pas reconnu mais qui est mis sur le côté, bon, sur les bancs de la société. Voilà. Et ce n'est pas typique au travail sexuel. C'est typique au travail qui est prohibé, je pense réellement. Bon. Hop là. Et si vous voulez, le truc, c'est que, une fois cette mise au point bien compris, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que le travail du sexe n'est pas du tout qu'un travail du sexe. Le sexe, par exemple, dans les rendez-vous que moi je peux faire, représente entre 2 et 15 minutes maximum sur des rendez-vous de 2, 3, 4 heures. C'est ça. Par contre, il y a des caresses, il y a le fait de pouvoir se regarder nu, il y a le fait de ne pas se juger, il y a le fait de pouvoir rire en étant nu, quoi, de pas toujours être dans ce rapport... Pardon ? Oui, bien sûr, mais les personnes qui payent pour bénéficier d'un service sexuel sont des personnes qui ne peuvent pas avoir accès à ce type d'expérience en dehors du fait de payer. Juste pour éviter que tout le monde parle en même temps, si on peut la laisser finir et puis après vous poser vos questions, comme ça ce sera plus facile pour faire circuler la parole. Et donc, déjà, le truc, c'est qu'il y a une certaine misère sexuelle Chez l'homme, chez la femme aussi en réalité, hein. Mais bon, la plupart des clients sont des hommes, donc moi je vais vous parler de la misère sexuelle des hommes. Et cette misère sexuelle, je pense qu'elle a une raison aussi, mine de rien, dans une forme de matriarcat en fait, dont on parle très peu, qui consiste à réprimer les hommes depuis qu'ils sont petits, à juger leurs désirs, à leur dire qu'ils sont dégueulasses, que ce sont des pervers, qu'ils n'ont pas à avoir ce désir-là. Et forcément, quand on répète à quelqu'un depuis qu'il est né, que ce soit t'es un sale noir, t'es un voleur, ou t'es une femme, t'es une pute, ou bien t'es un homme, t'es dégueulasse, t'as des désirs dégueulasses, et bah en fait on crée ce dégueulasse, on le crée nous-mêmes en fait en le jugeant et en le mettant du côté, en le mettant en fait tout simplement en expliquant à la personne que ce qu'elle est ne devrait pas être, mais le fait est qu'elle est comme ça, elle a ce désir-là, donc qu'est-ce qu'elle en fait ? Eh bah, bien, la manière qu'on met la prostitution dans l'ombre, et bah, son désir, elle le met dans l'ombre, elle le cache, et donc elle en fait quelque chose de sale. Et pour ça, je voudrais vous lire un petit extrait, n'est-ce pas ? De notre chère Griselidis, qui va répondre un peu à votre question sur la pédophilie. Alors, c'est un Polonais merveilleux. Alors d'avance, je lui demande pardon, à genoux, de parler de lui. Mais c'est important, car voilà encore une rencontre unique, déterminante pour une mise au pied du mur de la morale répressive, castratrice, qui préside à la naissance de certains fantasmes dits bizarres. Je m'explique. Certains hommes, doux, sensibles, destinés à aimer, à être des amants, des amoureux parfaits, ont été massacrés, assassinés dès l'enfance par la morale et l'étroitesse d'esprit, la lâcheté familiale. J'en vois les résultats, aussi les conséquences. C'est terrible et ça ne pardonne pas. Et je vais commencer par la fin, par une parole sublime qu'il m'a dite. Si je t'avais rencontré plus tôt, quand tu étais jeune, je t'aurais tué plutôt que te laisser partir. Bon, ça c'est le romantisme à la Griselidis. Voilà la plus belle déclaration d'amour que j'ai jamais entendue. Personne ne m'a jamais dit ça. Donc, je marchais sur les trottoirs des Paquis, hier à minuit. Il pleuvait. Toutes les putes, les plus belles, étaient dehors, devant les portes de leurs hôtels. Je n'avais pas beaucoup d'espoir. Je marchais pourtant, sous mon parapluie rouge à volant. Ouais, il y a des samedis soirs comme ça, on n'a pas de chance. Malgré ma petite veste en vison de Lily, d'ailleurs elle n'est pas blanche, mais d'une teinte plus délicate encore. Malgré mes chaussures noires à talons aiguilles qui prennent l'eau et mon parapluie rouge très cher à triple rangée de volants, je n'avais pas de chance. Dieu merci, j'ai quand même fait un client, un seul. Pour un dimanche après-midi, c'est une catastrophe. Alors voilà, ce Polonais étrange, très doux, très calme. Je saute plein de passages parce que, voilà. Ce Polonais étrange, très doux, très calme, est habité par des fantasmes. Et c'est pour cela, m'a-t-il dit, qu'il est très solidaire et qu'il n'a pas de femme et ne fait presque jamais l'amour, alors qu'il en aurait toujours envie. J'ai dû m'identifier à une petite fille de 11 ans. Moi qui en ai 58 et demi, vous imaginez ? Nous avons parlé de toutes les petites filles exotiques du monde, les asiatiques, les japonaises qui peuvent être enceintes à 9 ans, les indiennes. C'est quoi ce bruit ? C'était très délicat de jouer le jeu en évitant toute violence, même en parole. Je lui disais, il faut les aimer, surtout les aimer, ne leur faire aucun mal, ne pas les abîmer, et seulement si elles le désirent. Vous voyez, j'en suis sûre, cet homme a été bloqué dans l'enfance, à l'âge qu'il donne à ses petites filles imaginaires. Son rêve l'étrangle et l'empêche d'avancer. Comme autrefois, l'interdit religieux et social les lui rend intouchables. Alors moi, par ma présence, mes paroles, mes gestes, j'ai donc fait l'intérim entre ses rêves et la réalité. J'ai pu lui faire vivre son passé mutilé, donner un corps, des lèvres, des caresses à des fantasmes. Car bien sûr, il ne pourra plus sans danger, sans risque, toucher les petites filles de son enfance. On ne lui pardonnerait pas. Il serait jugé, condamné pour un criminel, alors que c'est l'homme le plus doux du monde. Il n'a pu autrefois, quand il était enfant. Il ne pourra plus maintenant, à moins d'un coup de folie. Vous voyez comme on assassine l'humanité en en faisant des violeurs en puissance et des femmes frigides et tellement de suicidaires, alors qu'il n'y aurait qu'à faire comme les Indiens, laisser les gosses jouer, se caresser, s'aimer et découvrir leur corps sans aucun mal. Car quelle est l'ordure qui a décrété que le plaisir sexuel donné par les caresses était un mal ? Voilà le grand coupable. À mort, à la poubelle. À très bientôt, mon cher Jean-Luc. Je vous embrasse. Bon, je crois que... Oui ? Alors, bonjour quand même. Je me présente, Sébastien. Mouvement SDF nomade, mais pas clochard. Au jour d'aujourd'hui, vous avez peut-être entendu un petit peu ce qui s'est produit cette nuit, ou je ne sais pas. Ouais, ouais. Non, non, mais je sais. Il faut savoir que tout simplement, faites attention à vous, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a des problèmes sur la place de la République, parce qu'on prend la droite pour le mal et la gauche pour le bien. Mais si, en pleine nuit, entre nous, il y a des violences, il y a des vols, il y a eu des feux qui se sont produits cette nuit, les pompiers ont dû intervenir à deux reprises. En même temps, j'ai une info aussi à lancer, et je la lance devant tout le monde, faites passer le média, comme quoi le véhicule de la police, de la BAC, qui s'est fait caillasser et brûler après, a eu exactement des armes à feu ainsi que des matériels de leur matos, de leur bétier, qu'ils ont disparu. Faites attention à vous, parce que les gens, au jour d'aujourd'hui, on est pacifistes, mais vous avez des personnes qui sont de l'autre côté, ce qui est grave. Maintenant, moi je vais vous dire, en même temps, je fais un appel à que le rassemblement reste debout, parce que Nuit Debout, en fait, à la base des bases, c'est quoi ? Oui. je n'en sais rien, j'étais pas là. Ouais, et donc si vous voulez, cette misère sexuelle que Griselidis décrit assez bien, elle a clairement sa source à un moment dans l'enfance où on empêche aussi à une forme, en tout cas par exemple avec cet exemple qui est aujourd'hui dont on ne peut absolument pas parler, hein, la pédophilie c'est un tabou. Parler à un homme qui est pédophile, on ne peut pas le juger sur autre chose que sa pédophilie. C'est un monstre de toute façon. Et ça c'est un problème. Parce que je veux dire, comment tu veux régler un problème si tu ne peux pas en parler, si tu ne peux pas voir en la personne le bon, chercher le bon et lui expliquer, bah, par exemple, si tu aimes les enfants, bah, justement, on leur fait pas de mal, c'est quelque chose qu'on devrait prendre en charge pour de vrai. Mais on fait que de le rendre de plus en plus sale et du coup, bah voilà, les types, ils sont obligés d'aller... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, en regardant, par exemple, de la pédopornographie, on peut être jugé et avoir tout un tas de... Enfin, je veux dire, il y a des hommes, aujourd'hui, qui ne veulent pas toucher d'enfants, qui se refusent à le faire, qui se refusent à aller voir, par exemple, les petites nanas de Strasbourg qui ont 18 ans sur la carte d'identité et qui en ont 11 en réalité. Et qui du coup regarde même du manga en taille, des trucs, avec de la petite enfance, quoi. Et on les juge quand même, mais je veux dire, ils font mine de rien de leur mieux pour répondre à un besoin, à une pulsion qu'il y a en eux. Et nous, on regarde quand même ça, mais ils font quoi en fait, sinon ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Qu'est-ce qu'ils ont comme solution ? La plupart des types aujourd'hui qui sont pédophiles ont été victimes eux-mêmes de pédophilie, et ils en viennent à du coup détester les adultes. Et à ne s'imaginer un rapport sexuel qu'avec un enfant, parce qu'il n'y a que l'enfant qui est pur, parce que l'adulte est dégueulasse. Et ce sont des enfants qui sont blessés, et qui du coup ne s'imaginent que de faire l'amour à un enfant. Et je pense qu'il faut en parler, il faut mettre ce débat réellement au milieu, comme en fait le débat autour de toutes les soi-disant perversions sexuelles, qui sont en réalité des blessures individuelles, qui ont été culpabilisées, qui ont été jugées, et du coup rendues incurable, enfin, s'il y a besoin de curer le nez, par exemple. Mais bon, voilà, ça c'est. Et ce point-là, si vous voulez, de, de la misère sexuelle, moi j'ai remarqué que, par exemple, il y a un de mes clients, c'est un de mes réguliers aujourd'hui, et en fait, la première fois qu'il a joui, eh ben, j'ai eu l'impression qu'il avait une décharge électrique quoi, qui lui est passée dans le corps, c'est-à-dire que... comme ça, il s'est mis à hurler, quoi. Il avait mal, quoi. Il jouissait en ayant mal. Et moi, ma première réaction, ça a été de, voilà, comme nous tous, quoi, le dégoût, genre, ah, qu'est-ce qu'il fait ? Et en fait, juste en reprenant un peu le contrôle de moi, je me suis mise, en fait, à... Enfin, voilà, c'était un type qui avait mal. Au moment où il jouit, il a mal. Et je me suis dit qu'il fallait que je l'aide tout simplement à calmer sa douleur, quoi. Et j'ai commencé à le caresser, à essayer d'être gentille avec lui dans ce moment-là, d'être avec lui, quoi, d'écouter sa douleur. Et il y a un truc super beau qui s'est passé entre nous deux, quoi. Enfin, du coup, même lui, il s'est vachement calmé. Et depuis, à chaque fois qu'il jouit, il a de moins en moins mal. Maintenant, il a plus de hurlements, quoi. Ça s'est apaisé et c'est vraiment un moment de communication entre nous, quoi. C'est dingue. Et je sais qu'il y a pas mal de choses en lui que j'aime pas, mais ce truc-là, particulièrement, bah, ça nous rapproche parce que à la place, en fait, que moi je prenne sa douleur comme une agression, comme on le fait tous les jours dans le métro, dès que quelqu'un gueule, on se met à gueuler, et on oppose les poings très fort et on se fait mal parce qu'on se cogne les poings, et bah, à la place, on pourrait essayer parfois d'être des algues et de suivre les courants de l'autre, quoi. Et de tout simplement, c'est pas une apologie de la collaboration, hein, ce que je dis là. Hein, c'est valable seulement entre individus, hein, pas dans un système étatique. Mais je veux dire, je pense que c'est quelque chose, en tout cas que moi je pratique dans la prostitution tous les jours. Enfin, je le fais pas tous les jours, mais en tout cas, à chaque fois que je le peux, eh ben, j'essaie de prendre vraiment sur moi et d'essayer d'être cette algue et de suivre en fait. De suivre l'autre. Et en fait, du coup, l'agressivité, elle se transforme en bienveillance, tout simplement, et on dissout le truc. Et alors, c'est quelque chose que moi, je fais en tant que prostituée humaniste, mais je pense que nous tous, on pourrait le faire dans la vie de tous les jours. Bon, et le troisième point, c'est la misère affective, qui est directement liée à la... qui est directement... liée à la misère sexuelle. D'accord, tu peux. Ouais. Parce que quand vous dites qu'il regardait des jeunes filles, ça veut dire dans des images toutes innocentes, bien sûr. Parce que vous disiez qu'il fait que regarder des images, je sais pas quoi, mais c'est pas des images indécentes d'enfants. Ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième, c'était, est-ce que quelqu'un pense qu'il est possible, même si c'est dans genre 0,001% des cas, qu'à 9 ans, on puisse avoir un désir pour un adulte ? C'est un peu une question comme ça. Alors, par rapport à la première question, déjà, c'était un cas théorique que j'abordais, d'imaginer tout simplement un homme qui, ayant été victime de pédophilie, a des désirs pédophiles en lui, qui sont réels. Et aujourd'hui, quand on va voir dans les tribunaux de grande instance, le premier truc qui est jugé, c'est ça, hein, c'est la pédophilie. Donc c'est pas un petit cas dont je vous parle, c'est d'une réalité très concrète. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ont des désirs pédophiles, et même de femmes, on en parle encore moins. Mais il y a beaucoup de gens qui sentent une attirance pour les enfants. Et je suis sûre que même ici, il y en a, parce que quand on voit la proportion de gens qui en ont... Donc voilà, là je parle d'un truc qui est très concret. Oui, d'un désir sexuel, oui, tout à fait, d'un désir pédophile d'avoir un rapport avec un enfant. Et la plupart de ces hommes aimant les enfants, réellement, les aimants, ne souhaitent pas leur faire de mal. Donc du coup, ils transfèrent ça dans leur fantasme et ils regardent des images de pédopornographie. Qui ne sont pas des images innocentes, ou bien même ils peuvent imaginer, mais il y a cette réalité-là. Le problème, évidemment, c'est tout le trafic et ce qu'implique en amont le fait de pouvoir voir des images de pédopornographie. Mais si, par exemple, on pouvait favoriser le hentai ou des images animées, donc du coup qui n'impliquent pas qu'il y ait un trafic derrière, je pense que là, enfin, je ne vois pas en fait qu'est-ce qu'on peut faire à partir du moment où un homme a un désir pour un enfant, il décide de le transférer dans des images fictives. Qu'est-ce que... Et je veux dire, il y a un moment, il n'y a plus de solution, ou sinon, on incarcère 40% des hommes en France. Qu'est-ce qu'on fait, réellement? Enfin, le désir est là. Il faut le prendre. Je pense que la première solution, évidemment, c'est dans l'enfance même de permettre, en fait, une plus grande libération de la sexualité infantile. Et pour répondre à votre question très brièvement, moi-même ayant vécu en squat à l'âge de 6 ans, mes premières pipes, je les faisais à des gamins de CP et j'avais 6 ans, d'accord ? Et j'avais du désir pour eux. Et juste, en fait, j'étais dans squat, dans un milieu qui était libéré, en CP. Donc CP, ça fait 7 ans. Ouais. Donc, pour vous répondre, tu laisses des gosses. Et dans le milieu dans lequel j'étais pas une excentrique, on était absolument tous comme ça, parce qu'on était des gosses qui étaient laissés en liberté réellement. C'est-à-dire qu'on nous empêchait pas de... Ne touche pas son zizi, c'est sale. Et... Là, on rentre dans le domaine de la sphère intime et je ne vais pas non plus exposer ma vie personnelle. Et là, de toute façon, ce n'était pas la question là, que j'étais en train d'aborder. Là, ma question, c'est le fait de culpabiliser un désir qu'on transforme du coup en perversion et ensuite dont qu'on ne peut pas gérer autrement que par une manière violente et en fait par la criminalisation des désirs. C'était ça, en fait, ce dont je voulais parler. Et du coup, et le truc, c'est que voilà, cette misère sexuelle, elle est directement liée aussi à la misère affective. Et voilà. Et ce qui est dingue, en fait, c'est que j'entends en permanence, tout le temps, les prostituées sont des objets sexuels, elles sont mal considérées. Mais est-ce que vous avez la moindre idée d'à quel point je suis respectée dans mon taf, quoi? Je n'ai pas, depuis le début depuis le début de ma pratique, qui date du mois de juillet, je n'ai pas une fois senti la moindre once de manque de respect. Au contraire, ce sont que des compliments, des odes. Enfin, je reçois des poèmes des types qui me remercient. Tous les types que je rencontre me remercient, quoi. La majorité, parce que justement, j'essaye d'être bienveillante, parce que je suis pas là comme un robot en train d'écarter les cuisses, mais que je suis avec eux pour de vrai, que je leur propose un réel échange, que je les écoute. Et que surtout, s'ils me disent « Ah ben moi, j'avoue que mon fantasme, c'est que tu me branles avec mes pieds. » Et ben, je vais pas me mettre à faire « c'est dégueulasse !» J'essaie, et c'est vrai que ça peut être fun, franchement, si on s'y met réellement et qu'on arrête de juger l'autre, et ben, on découvre que ces fantasmes aussi peuvent être vachement fun, quoi. Donc voilà, et j'aimerais juste vous faire comprendre ça. Enfin, moi, plus le temps passe, là, plus je me dis que réellement, j'aime mon taf, je suis contente de rencontrer. Même, en fait, le pire, c'est que moi, je suis foncièrement de gauche. Bon, d'accord, faut pas exposer son parti, mais je me sens foncièrement, tu vois, même du côté le plus à gauche de la gauche, quoi. Et je rencontre des types qui sont des businessmen et des bourgeois, etc. Et je me rends compte que échange bienveillant, que en chacun d'entre eux, il y a un germe, il y a l'étudiant qui se battait et qui a été désillusionné, et que en fait, même chez les pires, même chez les patrons machin, il y a un truc qu'on peut réveiller. Et moi, j'arrive à réveiller des trucs chez ces mecs-là en leur rappelant, par exemple, en leur parlant de ce qui se passe ici. Il y a plein de manières, en fait, à partir du moment où t'es dans cet échange qui devient beaucoup plus intime et qui touche aussi à la sexualité, et ben, tu peux aller toucher chez l'autre quelque chose qu'il ne veut plus montrer, moi, même que sa fonction sociale ne lui permet plus de montrer, tout simplement. Et donc voilà, je pense que ça fait bien 20 minutes que je parle, mais quand on vous parle sans arrêt de la traite et de ce genre de choses, n'oubliez pas que la réalité ce sont des désirs d'hommes, des désirs sexuels certes, mais aussi avant tout affectifs, parce que là j'en ai quand même un peu moins parlé, mais comme je vous l'ai dit encore une fois, le sexe en lui-même, dans le travail du sexe, c'est un infime pourcentage. C'est pas ça la réalité du truc, c'est la bienveillance et le fait, en fait, de se reconnaître comme des individus globaux, quoi. Je suis pas juste une tête, je suis pas juste un master de philosophie, je suis aussi un corps et je peux parler avec les deux, et l'homme qui est en face de moi, c'est pareil. Et voilà, et si du coup je peux vous donner un conseil par rapport à ce vécu-là que j'ai, peut-être que quand vous êtes dans le métro, essayez d'être un peu une pute vous-même et de devenir un peu une algue à la place de juste renvoyer les points et essayer de, voilà, de rendre à la différence de l'autre un gros coup. Et bah, parfois, juste être un peu plus fluide, ça permet beaucoup d'amour, quoi. Voilà. Si, c'est... Moi, je le prends comme être pute, ouais. Fière d'être pute, comme dirait Thierry Schaffhauser. Non, moi, je disais, c'est pas forcément être pute, en fait. Être oui, pour l'autre, est-ce que vous pouvez... Bah, moi, je suis pas d'accord, tu vois. Enfin, même si dans la nature, tu vois, life is a bitch, quoi, comme on dit. On sait bien tous pourquoi. Moi, je m'étais déjà fait un parallèle comme ça avec la nature, où je me disais que la nature était une pute. Un peu comme tu viens de le dire, en fait. Tellement elle est généreuse, tellement... Ouais, on m'entend pas assez, vraiment, là. D'accord, d'accord. Mais je vais pas développer trop cette théorie de la nature pute, quoi. Mais moi, ce que tu veux dire, j'ai envie de faire le chieur, tu vois, et de me dire que ce que t'as dit, là, c'est je vais remplacer ton mot par de l'amour, en fait, tu vois. C'est pas être pute, en fait. D'être doux et d'être là présent pour les autres, c'est pas être une pute, tu vois, c'est l'amour aussi. Ouais, ouais. Comme si je connaissais pas l'univers, quoi. Comme si je connaissais pas l'univers, tu vois. Je te dis pas que je suis une pute non plus, tu vois, c'est pas ça, mais je connais l'univers. Moi, j'avoue que je connais pas l'univers. Alors, bonjour tout le monde. Déjà, je voudrais remercier les gens que j'ai vu installer les installations, les haut-parleurs. Je trouve que c'est une belle initiative. Merci à toi pour ton témoignage. Je trouve que c'est le courage que tu as de parler de ce genre de choses est sublime. Maintenant, voilà, j'ai vécu longtemps en dehors de la France et j'ai beaucoup suivi ce qui s'est passé. Là, je suis de passage vraiment par hasard. Ce matin, je me suis arrêté devant la République avec ma musique. Je n'ai pas pu m'arrêter. Et je suis vraiment curieux de ce mouvement. J'ai voulu écouter. Je suis à la fois heureux et déçu profondément. Je suis déçu parce que notre société ne te permet pas de parler et les seules personnes qui te permettent de parler, ce sont des installations individuelles comme la vôtre. Et en même temps, je suis déçu qu'on fasse l'apologie de sujets qui, pour moi, sont très légers et très profonds en même temps, qu'on ne peut pas décrire ou qu'on ne peut pas décortiquer en l'espace de 15 minutes. Je suis vraiment déçu de faire l'apologie de la prostitution parce que même si je voudrais juste avoir mon avis, même si tu es une belle représentation de ton expérience en tant que telle, parce que tu l'assumes, je sais d'expérience qu'il y a des femmes qui meurent, il y a des enfants qui sont embrigadés dans le système de vente d'organes, et ça on ne le sait pas. Il y a aussi des enfants qui, en ayant vécu les choses que tu as vécues, deviennent des personnes incroyablement activistes et qui vont en sauver. Fait que je suis c'est un melting pot d'émotions en tous vous voyant, parce que je suis déçu par les questions, je suis déçu par les interventions vraiment personnelles de gens qui sont là, qui partent, que j'ai vu partir, qui n'écoutent même pas la suite des choses. Je suis déçu par la stigmatisation, je suis déçu par le manque de moyens qu'on a aujourd'hui de justement te supporter, toi. Fait que, en fait, je sais même pas trop où je me situe. J'espère que les gens vont comprendre et relativiser tous les discours, qui vont à la fois relativiser son discours et le mien, et que et le jour où on voit de la violence et le jour où on voit des armes, comme le monsieur sans-abri tout à l'heure a intervenu avec la BAC et la voiture hier qui a été brûlée, qu'on reste soudés. Voilà, que même la différence n'est pas si importante, que seul l'acte et l'investiture comptent. Voilà, merci. Bon, je vais essayer tout en étant bienveillante, mais peut-être qu'on fait un tour et puis comme ça tu nous répondras à toutes et tous. Je vais essayer en toute bienveillance d'exprimer mon profond désaccord avec l'angle que tu as choisi. Et d'ailleurs, ces termes prostitution humaniste, j'ai l'impression que bien au-delà de la prostitution, c'est une culture prostitutionnelle et c'est un patriarcat humaniste à laquelle on a toujours invité les femmes. C'est-à-dire que ce soit dans le rôle de l'épouse, que ce soit dans le rôle de l'amante, de la secrétaire, de la subalterne, et en dernier retranchement, l'expression la plus claire, de la prostituée, on nous invite, par humanisme, toujours à sacrifier notre rapport avec nos propres désirs, avec un rapport de transaction avec les hommes. Voilà, en gros, pour convaincre les hommes, pour avoir un rapport bienveillant avec eux, notre désir n'est plus là. Il y a une transaction qui fait que les hommes peuvent avoir accès à nos corps, quel que soit si on les désire ou pas, et nous, on est dans un rapport d'abnégation, de sacrifice. On est là pour tirer le meilleur de nous-mêmes, et en quoi ? En mettant nos corps sur le marché. Pour moi, la structuration du système patriarcal est bien au-delà de la prostitution. C'est, je le vois ainsi, il y a au centre un truc qui dit « tout homme doit avoir accès » au corps des femmes, quelle que soit lui, sa classe sociale, machin et tout. Et de là, il y a plusieurs branches, c'est-à-dire les règles conjugales, c'est-à-dire la chambre à coucher commune à laquelle on ne peut pas échapper quand on est fatigué par la double journée, qu'on n'a plus l'énergie pour résister au mec. Il y a la culpabilisation, c'est-à-dire il nous a payé un verre et donc c'est bon, on a déjà intériorisé qu'il fallait aller au bout de la transaction et coucher. Et il y a la transaction directe, c'est la prostitution. Et donc là, on la simplifie. Non, mais en fait, c'est un truc d'abnégation. C'est votre générosité, les femmes. Allez-y, machin. Je pense qu'il va falloir un jour, avec un petit peu de réalisme, voir comment le système patriarcal nous met à disposition par plusieurs stratégies, à la fois psychologiques, machin et tout, et par ce genre de discours, malheureusement. Et je pense que retêter ça par humanisme, c'est la plus vieille propagande patriarcale. Et en fait, la prostitution est la plus vieille arnaque patriarcale. Je suis complètement d'accord avec toi, honnêtement, hein, sur ce que tu as dit, sauf dans un cadre, c'est que c'est mon taf, c'est mon travail. Je suis payée pour ça. Avec mon mec, t'en fais pas que, justement, la transition, en fait, le fait, parce que je suis en couple, le fait de devoir, par exemple, me maquiller quand je vais à un rendez-vous, eh ben, ça a de la valeur parce que c'est mon taf. On me paie pour que je sois belle, pour que j'écoute, etc. Et justement, tu vois, c'est reconnu en tant que travail, ce n'est pas l'obligation de la femme, non, non, non, ce n'est pas mon obligation, c'est un travail que j'ai fait par choix, c'est mon choix et c'est mon travail, et c'est bien là la différence, justement, parce que du coup, quand mon mec, il me dit de faire ci, de faire ça, comme dans tous les couples, et que je devrais à la fois être jolie, mais être naturelle, parce qu'il ne faut pas que je sois une poufiasse, il faut que j'ai les lèvres naturellement rouges, que je ne sois pas cernée, mais sans trop me maquiller, parce qu'il faut que je sois, bon voilà, etc., et bah, tout ce truc-là, je lui dis, mais fuck, écoute, si tu veux vraiment faire de moi ce que je ne suis pas, eh ben t'as qu'à me payer. Et là, je te ferai mon show, tu vois. Non, non, c'est pas tant paradoxal que ça. C'est-à-dire que, et j'avais lu un super bel article d'une escorte dans laquelle, enfin un article dans lequel je me suis complètement reconnue, une nana qui racontait justement une de ses relations longues et qu'elle avait eue en fait avec un team qui avait toutes ses demandes paradoxales à son égard, comme la plupart des hommes en ont vis-à-vis de nous, quoi. Sois jolie, mais faut pas que les autres hommes te désirent, mais faut quand même qu'ils te désirent parce que faut que tu sois bonne, mais bon, etc. Et en fait, le moment où justement que c'est un travail, c'est que ce n'est plus toi. Moi, j'arrête pas de dire je suis pute, je le dis comme ça, etc. Mais non, c'est mon taf. En dehors de ce taf-là, ces obligations-là, je les transfère pas du tout là-dedans, tu vois. Et là, je fais bien comprendre, si tu veux que je sois comme ça, si tu veux que je sois dans ce schéma où je t'écoute, ben, va falloir payer le prix fort. Et en rien, ça ne m'éduque dans ma vie sentimentale, personnelle, tu vois. Non, je n'ai pas du tout cédé. Mais non, mais crois-moi pour de vrai. Au contraire, dans la réalité affective, dans ma vie privée, dans la sphère privée, ça n'a absolument pas d'impact. Au contraire, l'impact que ça a, c'est que justement... Parfois, je deviens sans concession, tu vois, et je dis non, là, j'ai pas envie de faire ça. Ça, c'est mon taf, tu vois. Et c'est... Non, je l'ai pas monnayé, c'est un travail. Le travail, c'est ce qui te permet de vivre. Bah, tu vois, il y a le concept de la pute, on en parle beaucoup, j'entends beaucoup ce mot-là. Donc, pute, on va parler de la pute. Tu disais tout à l'heure dans le métro... Attends. Tu disais tout à l'heure dans le métro et tout, soyez un peu plus pute, nanana, je sais pas quoi, pensez pute, je sais pas quoi. Moi, je vais revenir sur ce terme de pute, ça existe, donc il y a le concept. Non, mais attends, je vais finir, parce que tu vas me faire perdre les pinceaux. C'est que pour moi, tu parles d'une attitude et en rien d'un travail. Le concept de pute, ça peut être une attitude, tu peux être une pute, on parle d'une attitude, mais pas d'un travail. Voilà. Moi, tu sais, t'inquiète pas, Oli, s'il faut qu'elle soit un peu pute et que moi aussi pour que ça excite, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas une histoire de travail et d'argent, tu vois. On parle de sexe, de désir, du restrictif, de l'excitant. Voilà. C'est une vision matrice, c'est une vision matrice. Faut voir, il y a du répondant parfois. Hein. Moi je pense que vraiment la question qu'il y avait dans votre débat, c'était vraiment, on revenait, il y avait quelqu'un qui avait dit ça un peu à haute voix tout à l'heure, hein. C'est vraiment la question de, par rapport, enfin justement la question du travail en fait, typiquement c'est l'exemple que tu donnais, la caissière, voilà, c'est un travail, et un travail donc c'est effectivement fournir un effort avec son corps contre l'argent, et que je pense que on se retrouve dans un débat qui est un petit peu faussé, hein, c'est pas une critique, mais qui est un petit peu faussé dans la dimension où on dit il y aurait des travails avec rémunérés qui seraient dignes ou et d'autres non, et parfois on se retrouve dans le débat un peu faussé en disant voilà, la marchandisation c'est pas bien, donc le travail c'est pas bien, mais tous on est bien obligés, pour l'instant on est dans un régime capitaliste, on est bien obligés de travailler. Il n'est pas non désiré puisqu'il est commercé. À part si tu considères que quand tu vas travailler, c'est non désiré, ce que je considère effectivement. Et c'est là où, par contre, on peut rentrer dans un échange intéressant sur la dimension du travail. Effectivement, le travail est contraint. Et là, j'avais une petite dissension avec toi, par exemple, quand tu distinguais l'esclavage et le travail salarié. C'est vraiment deux formes. En fait, effectivement, je pense que l'esclavage, en fait, le capital a besoin de travailleurs, et l'esclavage, c'est quand il ne peut pas se fournir sur le marché libre des travailleurs, et donc il est obligé d'en acheter au marché. Enfin, c'est ma conception. Et il y a autre chose sur laquelle j'étais un peu en désaccord, mais elle est partie. C'est la question, en fait, justement, de réfléchir en termes homme-femme. Évidemment que cette dimension est présente, puisque nécessairement, enfin c'est une évidence que la majorité des clients sont des hommes et la majorité des prostituées sont des femmes, mais ça n'est pas systématique, ce qui montre bien qu'on est dans une dimension qui est autre, hein, qui est vraiment celle du rapport marchand et du travail, enfin c'est ça que je voulais dire. Alors, 20 secondes de mémoire interne, tu vois. Mais en fait, par rapport à cette distinction du travail et de l'esclavage, bon, ok, tripalium, tout ça, je suis d'accord avec toi, mais là, on parle quand même des réseaux, et des réseaux qui impliquent notamment des enfants qui sont mineurs. Donc, là, c'est compliqué de faire un espèce de fondu entre l'esclavage et le travail dans ce cadre-là, tu vois, je pense qu'on sera tous d'accord avec ça, mais... Enfin, mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, on est obligé de travailler. Ça, c'est une évidence. Tu vois, c'est bien pour ça que, bon, c'est vrai, c'est dommage qu'elle soit partie, quoi. Mais il faut travailler pour vivre. Rizelidis le répète sans arrêt. Il faut bien vivre, quoi. Donc, mais je pense qu'il y a quand même, il y a quand même une différence. Dans le moment où t'es menacé de mort, par exemple, tout simplement dans l'esclavagisme, enfin d'un point de vue concret, quoi, tu vois, avec le proxénétisme dont elle voulait parler tout à l'heure, et pour la question du rapport homme-femme, je parle pas d'un point de vue biologique, mais les hommes auxquels moi je suis confrontée, c'est des hommes qui ont été élevés dans un cadre genré très précis, et de toute façon dans un puritanisme qui fait que tu touches pas ta quéquette, que tu vas pas jouer avec la petite fille alors qu'elle aussi elle a envie de jouer avec toi, etc. Donc moi je parle des hommes parce que ce sont des hommes que je rencontre. Je suis pas en train de catégoriser, oui. Est-ce que je pourrais prendre la parole avant de partir parce que je suis un petit peu pressée. Merci, bonjour tout le monde. C'est bien, pardon. Très, très, très rapidement, très rapidement. Ce sera très rapide. Pornographie et prostitution, est-ce que ça veut dire la même chose d'après vous? Levez le doigt ceux qui pensent que ça ne veut pas dire la même chose. Bon. C'est pas la même chose? C'est pas, à ma gauche, on dit que c'est pas tout à fait la même chose. C'est tout à fait la même chose. L'origine du mot pornographie est grecque et l'origine du mot prostitution est simplement latine, c'est tout. Les deux veulent dire exactement la même chose. Et vous savez ce que ça veut dire? Pas de photo, s'il vous plaît, j'ai pas envie d'être photographié, monsieur, merci. Vous savez ce que ça veut dire? Prostitution et pornographie? Qui est-ce qui sait ce que ça veut dire? Allez. Vous savez pas? Et vous l'utilisez? Vous savez, vous? Moi, je sais. J'ai bossé là-dessus. Vraiment bossé. Et Fatima aussi, on a beaucoup bossé. On a plein, on est plein de femmes à avoir bossé. Et plein d'hommes. Et ça signifie pro, porno. Et pro, ça veut dire mettre en avant, devant. Oui, obscène. Non, non, non. Mettre en avant, mettre devant, exposer. Le mot exposer, c'est le mot exact. L'exposition. Bien sûr que c'est interdit, mais avant d'être interdit, avant, oui, par le code pénal, absolument, absolument. Mais avant d'être interdit par le code pénal, ça signifie exposition, et c'est exactement le même mot qu'on utilise pour parler de l'exposition des bébés quand les pères décident de ne pas les accepter, de les laisser mourir. On fait la même chose, on les expose, on expose les corps des bébés. Eh bien, de la même façon, on expose les corps des femmes. Et on intériorise ça. Deux minutes. Ah ben, allez-y. Voilà, j'ai fini. Merci. L'idée, quand même, pour répondre au jeune homme qui était là, cet après-midi, c'est pas de faire l'apologie de quoi que ce soit. Cette personne témoigne de quelque chose. On organise un débat à l'éducation populaire. On ne fait l'apologie de rien et tout sujet peut être abordé. Il reste donc maintenant 10 minutes. Donc on va prendre les dernières interventions. On laissera Maëlys y répondre et conclure. Et l'intervention va se terminer parce qu'on a un programme. Je vous rappelle simplement que le thème de la journée, c'est la violence. Et bah, c'était aussi un moyen de parler un peu de violence cet après-midi, même si elle nous a parlé beaucoup d'amour aussi. Voilà, bonjour. Pardon. Bonjour, Hicham. Tout d'abord, je voulais remercier Maëlys pour son témoignage courageux. On s'aperçoit qu'il est courageux parce qu'il y a eu des réactions totalement radicales. Qui t'ont jugé sans connaître ton discours, sans te laisser un droit de réponse. Je trouve ça assez aberrant. J'ai côtoyé quelques personnes qui se prostituent aussi, des hommes, des femmes, des transgenres, qui ont manifesté ces deux dernières années beaucoup sur la loi prostitution, puisqu'en fait, il y avait une remise en cause total de leur travail avec même une sous-tende vers une illégalisation en fait de ce travail là aujourd'hui en fait d'après ce que j'ai compris en fait c'est le client qui est en fait il y a une longue loi qui existe aujourd'hui sur la prostitution où le client est dans l'illégalité. La prostituée, non. Donc, ça pas vraiment de. C'est paradoxal, ça n'a pas de sens. Malheureusement, c'est patriarcal. Je suis pas en train de défendre ou de faire l'apologie de la prostitution, mais c'est un métier en tant que tel. Ça doit être respecté. Ça doit être. Ça. Excusez. Excusez-nous, madame, on a le droit de ne pas être d'accord, en fait. Donc voilà. On a le droit de ne pas être d'accord. Et surtout, féliciter Maëlys de venir partager ce témoignage qui n'est pas évident. Et bravo à elle. Voilà. Alors, une dernière question, et puis ensuite, je te laisse terminer du coup. Oui, je suis pas spécialiste du sujet, mais je pense que l'étymologie effectivement de prostitution est exacte. Hein, ça signifie exposer. Et du coup, la question qui se pose, c'est en quoi le fait qu'une personne ait envie d'exposer sa personne, son corps ou une partie de son corps pose problème, étant donné que typiquement on réfléchit que tout ça c'est lié à des référents culturels et que les parties de son corps et de la manière dont on l'expose et pour les raisons pour lesquelles on l'expose sont culturelles et liées à des rapports qui évidemment sont les rapports de domination, ça s'appelle l'humanité, hein, c'est comme ça. Et donc, par exemple, en Europe, on considère que c'est normal que les femmes exposent une telle partie de leur corps, c'est moins dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures. Donc la question de l'exposition, effectivement, qui transcrit la question de la prostitution, si on considère de mettre un interdit sur l'exposition du corps, on fonctionne exactement comme les cultures et les civilisations qui considèrent que l'exposition du corps est prohibée en totalité. C'est... Non, non, non, on va conclure là parce que vraiment... Ouais, mais alors, deux phrases quoi. Ouais, ouais, deux phrases, ouais, ouais. Non, mais vraiment. Qui dit exposition, dit mise en avant que du corps, c'est-à-dire que le cerveau ne suit pas jamais. Il y a une extrême... En fait, tout ce qui est exposition par la prostitution et la pornographie est le signe d'une extrême, du niveau le plus extrême de la souffrance. Voilà. Donc, je te laisse conclure. Bon, on a un bel exemple ici du fait que présence n'est pas égale à compréhension, puisque cette dame était apparemment présente pendant mon discours, mais elle ne semble pas l'avoir écoutée, comme elle continue à le faire d'ailleurs. Donc je vais peut-être répéter pour elle, qui continue à être absente, que le travail du sexe est un travail... Le moment sexuel représente entre 2 et 15 minutes sur un échange de plus de 2 heures. Pour l'exposition profonde du corps, personnellement, enfin moi, ce qui me touche plus, en fait, ce sont quand des hommes m'avouent leur faiblesse, quand ils m'exposent leur souffrance, que je peux exposer les miennes, etc., et qu'ils voient mes poils tout bien ou pas. Honnêtement, c'est pas la belle part du boulot. Mais madame, vous n'êtes pas là pendant les rendez-vous. Comment est-ce que vous pouvez prétendre à parler quelque chose que vous n'avez pas expérimenté? Je vous dis, je suis ici pour témoigner du fait que j'ai des rendez-vous avec des hommes qui se passent dans une bienveillance absolue, dans une écoute mutuelle, que ce sont des hommes qui, en plus, justement, essayent la plupart souvent de me satisfaire moi, parce que ce sont comme ça que eux-mêmes prennent du plaisir, et que surtout, le moment sexuel est un infime moment, parce que la réalité du travail, c'est le fait de pouvoir, en fait, d'être dans un moment où l'intimité est telle que l'homme peut se dévoiler, où il n'a plus à cacher tout ce que la société a transformé en tabou et en perversion, quoi. Et il a le droit d'être lui-même et il a le droit de ne pas être systématiquement exposé et criminalisé pour ça. Mais elle n'écoute pas. Bon, c'est dommage. En tout cas, mon travail, c'est un travail d'amour. Ça, c'est clair et net. Et s'il y a bien une chose que je donne et que je reçois, c'est de l'amour. Et quand on me dit merci, les messages, je peux même vous... Enfin non, je vais pas vous en lire parce que... Mais c'est des messages d'amour que je reçois là-dessus en permanence. Ce sont des lettres d'amour et d'amour d'amitié, quoi. Malheureusement, il y a aussi souvent des types qui tombent de l'autre côté et qui, du coup, croient qu'ils sont amoureux de toi parce qu'ils ont fait tout un joli transfert. Et ça, c'est le vrai risque de ma pratique. C'est tous les types qui tombent amoureux de toi et qui, du coup, finissent par t'en vouloir de monnayer un truc alors qu'eux croient ressentir des sentiments, en tout cas, quoi. Mais voilà, ce que je donne, c'est de l'amour. Et qu'il y ait mon vagin ou qu'il n'y ait pas mon vagin, honnêtement, c'est une petite part, quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup vraiment pour ce témoignage qu'on n'entend jamais.